Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord que dans une entrevue qui a été diffusée hier sur les ondes d'annoncesport.com, le président du hockey mineur de Saint-Félicien, Carl Gagnon, s'est dit ouvert à libérer certains joueurs de calibre midget qui n'ont pas fait le club du Marcos Pub pour s'aligner avec les Castors de Dolbeau. C'est du moins ce qu'il a affirmé hier sur nos ondes. L'année où ça déborde, où sur... Ben, c'est sûr que le midget 2B m'aimera probablement pas, le midget 2B de Saint-Félicien, parce que je le prive d'un bon joueur affilié qui pourrait jouer avec eux autres, ça, de base, il m'aimera pas. Mais c'est clair net et précis que si tous les points que je t'ai énumérés tantôt, on se positionne et qu'on s'amasse dans le contexte où, effectivement, on est capable d'aider Dolbeau par nombre de joueurs, parce qu'on a beaucoup trop de joueurs. On est effectivement ouvert à ça. Ça, on n'est pas non plus là. On n'est pas là pour avoir l'équipe la plus forte possible puis faire au diable voisin. Hein. Reste qu'on est là pour faire jouer des jeunes au hockey. Là. OK. Donc, en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini, c'est le Challenge cycliste des Bleuets. 220 cyclistes provenant d'un peu partout au Québec vont participer à l'événement. Hier, on a eu Paul Morel, qui est le responsable de l'organisation. Il s'est dit évidemment enchanté. Et il nous parle de qu'est-ce qui fait la force du Challenge Cycliste. La véloroute, est un bon messager là, pour tout ce qui est cycliste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même si nous, comme tu le sais, le Challenge ne se déroule pas sur la véloroute des Bleuets, on est quand même, là, de par la véloroute, on est étiqueté comme une région où le vélo a sa place, a son importance. Alors, c'est certain que ça aide beaucoup à l'événement. Je pense que la qualité de l'organisation, je te cacherai pas que nous, avant d'offrir à chaque année la possibilité aux cyclistes là, de pratiquer ou de participer à cet événement-là, faut avoir l'autorisation de la Sûreté du Québec et du ministère du Transport. Alors donc, on doit répondre à leurs critères. Et lorsqu'on répond à leurs critères, inévitablement, ça devient quelque chose d'assez professionnel. Dans le sens que, c'est sécuritaire. Et en plus, qu'on a des... Et c'est une activité qui prend de plus en plus d'ampleur partout au Québec. La véloroute est un bon messager là, pour tout ce qui est cycliste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même si nous, comme tu le sais, le challenge ne se déroule pas sur la véloroute des Bleuets, on est quand même, là, de par la véloroute, on est étiqueté comme une région où le vélo... a sa place, a son importance. Alors, c'est certain que ça aide beaucoup à l'événement. Je pense que la qualité de l'organisation, je te cacherai pas que nous, avant d'offrir à chaque année la possibilité aux cyclistes là, de pratiquer ou de participer à cet événement-là, faut avoir l'autorisation de la Sûreté du Québec et du ministère du Transport. Alors, donc, on doit répondre à leurs critères. Et lorsqu'on répond à leurs critères, inévitablement, ça devient quelque chose d'assez professionnel, dans le sens que, c'est sécuritaire. Et en plus, qu'on a des... Faites à noter, l'animateur bien connu, Yvan Martineau de TVA et TVA Sport, va participer au Challenge Cycliste des Bleuets. Et les gens qui voudront lui parler, il sera à 15h samedi chez Intersport du secteur de Dolbeau. Parlons des Saguenayens de Chicoutimi. Chez les Saguenayens, maintenant, ils ont attaqué un autre Ontarien après Ryan Verbeek hier. Yannick Jean a fait signer un contrat à l'attaquant Noah Bushnell, qui est un attaquant très robuste, 6 pieds 3, 220 livres, et qui est reconnu pour ses talents plus logistiques. L'an passé, en 62 matchs avec le Sting de Sarnia, il a marqué 5 buts, amassé 12 passes et 121 minutes de pénalité. Et d'ici quelques années, le Collège d'Allemand pourrait avoir une autre équipe dans la région, donc il ne serait plus seul au hockey. Selon le journal Le Quotidien ce matin, le Collège de Chicoutimi ferait des démarches d'intention ou des démarches d'information afin de doter le Collège d'une équipe. On estime que doter d'une équipe, le coût d'exploitation serait entre 150 et 200 000 $. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Michel Allemand, le directeur général du club de golf de Chibougamo. On s'est également entretenu avec Paul Morel, du Challenge Cycliste des Bleuets. Et on a aussi parlé avec le président du hockey mineur de Saint-Félicien, Carl Gagnon. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.